Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième podcast Football Ride du mercredi 16 juin. Alors aujourd'hui avec les intervenants que vous allez découvrir très bientôt, nous parlerons du gros choc qui s'est déroulé hier entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur la victoire du Brésil face à la Corée. Et enfin nous dirons deux mots sur le match nul entre la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande dans le groupe de l'Italie et du Paraguay. Tout ça ce sera donc avec nos intervenants tout de suite dans le podcast Football Ride que vous retrouvez tous les jours du 11 juin au 11 juillet. Alors à mes côtés aujourd'hui, comme tous les jours, il y a Baptiste. Salut Baptiste. Bonjour à tous. Et on accueille aussi Vincent aujourd'hui. Salut Vincent, supporter des Gunners de longue date et membre notamment de l'association française que vous pouvez retrouver sur le site arsenalfrance.fr. Salut Vincent. Salut Albertine, salut Baptiste. Et bien commençons par parler du match qui opposait la Nouvelle-Zélande à la Slovaquie, donc dans le groupe de l'Italie, qui s'est soldé sur un match nul 1-1, un but marqué par Robert Vitek pour la Slovaquie à la 50e minute et une égalisation de la Nouvelle-Zélande par le défenseur Wade à la 93e minute. Un match qui a assez déplu dans l'ensemble. Vincent, si tu veux nous donner ton avis sur cette rencontre. C'était pas un match effectivement très très intense, un match de début d'après-midi, c'est pas les plus gros matchs apparemment depuis le début de la compétition. En face, y avait deux équipes qui étaient un petit peu sur la réserve, je pense, et notamment la Slovaquie, qui a peut-être pas joué le coup à fond. On n'a pas trop vu Hamzik, le joueur de Naples, qui est pourtant techniquement largement au-dessus de pas mal de joueurs. Et en face, les Néo-Zélandais, qui ont joué du kick and rush tout le match. C'est leur arme principale, c'est pas super beau à voir, mais bon, ça marche, ça a payé sur la fin du match. Je pense que les Slovaques vont vraiment repartir là avec une grosse déception parce qu'ils avaient moyen de faire mieux sur ce match-là en tout cas. Ouais, je pense que la Slovaquie a pris un peu le match à la légère. C'était contre la Nouvelle-Zélande qui a l'air quand même assez faible et c'est une déception parce que normalement c'est 3 points. Inutile de vous le cacher, je pense que vous l'avez remarqué, on n'a pas grand-chose à dire sur ce match. On préfère passer plus de temps pour le match Portugal-Côte d'Ivoire qui s'est soldé sur un 0-0. Un match, Baptiste, assez intéressant. Malgré le fait qu'il n'y ait toujours pas de but. Ouais, donc pas de but et un match plutôt intéressant comparé à d'autres où on a eu 0-0 comme France-Uruguay où c'était quand même d'un niveau un peu moindre. Ce match intéressant surtout pour la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a montré qu'ils étaient là dans un grand rendez-vous. Ils tombent dans le groupe le moins facile à jouer, le plus dur sûrement et ils rassurent surtout sans Drogba. Ça, c'est important d'avoir vu l'équipe jouer sans Drogba. Il y avait de la cohésion, il y avait un lien entre chaque joueur. Ça jouait vraiment au ballon. Gervinho a été exceptionnel. Et Dindane un peu en dessous parce qu'il devait jouer attaquant. On le retrouvait plutôt sur les côtés, donc c'était assez étrange. Et puis après, en défense, Tiene, il a bien tenu la baraque. Et Eboué au milieu a été bon. Puis le gardien ivoirien, qui est peut-être une des faiblesses de cette équipe, a été bon. Oui, alors effectivement, un match qui était très prometteur, qui a très bien démarré. Les deux équipes allaient vers l'avant. C'était techniquement très, très sympa à avoir joué. Moi, je m'attendais à ce qu'il débute rapidement. Bon, ça n'a pas été le cas. Les Portugais, un petit peu comme d'habitude, ils s'appuient beaucoup sur leurs individualités. Et le problème, c'est que leur grosse individualité en ce moment, c'est Ronaldo, qui, à mon avis, il est un peu bouffé par l'enjeu. Ça s'est vu hier. Il met une très bonne frappe sur le poteau. Et puis après, le reste du match, il est éteint. Et devant c'est un petit peu trop léger, par contre bon défensivement ils sont là, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Deco sort alors qu'il était en train d'apporter quelque chose. Bon, je sais pas, c'est un petit peu l'énigme, le Portugal. Je pense qu'il y a trop d'enjeux et qu'encore une fois ils se sont mis une pression phénoménale. Et puis en face il y avait la Côte d'Ivoire sans Drogba. Je pense qu'ils se sont transcendés parce que Drogba n'était pas là. Et que les joueurs ont voulu vraiment faire un match très très fort pour Drogba. Effectivement, Gervinho a détruit la défense, notamment Carvalho, la défense portugaise, un coup sur deux. Moi, j'ai un petit peu suivi Eboué parce que je supporte les Gunners d'Arsenal, donc forcément Eboué, je le connais, je sais ce qu'il peut apporter sur un match comme ça, et il a apporté ce qu'il savait faire, donc beaucoup d'envie. Après, c'est un petit peu dommage que Kalou soit éteint parce qu'il pouvait vraiment bouger un petit peu plus que ça les Portugais. Et puis Dindane, très physique, mais pas forcément bien collectif comme il fallait. Et puis pour finir, la rentrée de Drogba, qui était encore un peu sur la réserve, je pense. Il fallait qu'il voit un petit peu, qu'il se teste par rapport à sa blessure. Donc il n'a peut-être pas donné tout ce qu'il pouvait donner. Je pense sincèrement que... L'équipe là aujourd'hui s'était préparée mentalement pour jouer sans Drogba et que c'est pour ça qu'ils ont fait un gros match. Quand lui va monter en puissance, l'équipe va suivre. Maintenant, est-ce que finalement la blessure de Drogba, c'est pas la chance de la Côte d'Ivoire parce que les autres vont se transcender à côté? Moi, à mon avis, là aujourd'hui, les Ivoiriens sont sortis de toute façon les grands gagnants de ce match-là parce que leur bloc est en place. Par contre, les Portugais, eux, ont perdu des points importants. Donc, je suis absolument d'accord avec ce que dit Vincent, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que lorsque Drogba est entré, les Ivoiriens étaient dans une phase où ils commencent à dominer tranquillement le Portugal et que son entrée a fait que tous les joueurs, d'un coup, se sont lâchés. Et j'ai trouvé aussi que Drogba a eu beaucoup de mal à se mettre dans la rencontre. En fait, je me demande si ça aurait été pas mieux de le mettre directement au deuxième mi-temps. Et autrement, je voulais aussi vous demander votre avis sur le coaching de Karius, qui pour moi a eu quelques endroits assez inexplicables, notamment quand il fait sortir Deco, qui est pour moi un des leaders de l'équipe et un des meneurs de jeu essentiels à cette équipe du Portugal, et qui fait que parfois cette équipe peut jouer un peu collectif, c'est notamment grâce à lui pour moi. Et il le change directement au deuxième mi-temps par Simao, qui pour moi a été inutile. Par exemple, Baptiste, si tu peux me donner ton avis sur ces deux points. Non, complètement d'accord. Simao n'est pas un élément comme il l'a été. Il a été dans l'équipe du Portugal il y a quelques années. Maintenant, Deco est vraiment le métronome du jeu. Et le problème, c'est que je pense que Queiroz pense que c'est plus Ronaldo qui doit jouer le meneur de jeu vu ce qu'il est, vu sa dimension, etc. Mais après, il y a la tactique du Portugal qui est aussi peut-être à revoir et mettre Cristiano Ronaldo en attaque est peut-être la mauvaise idée, et peut-être le mettre derrière les deux attaquants. Et puis Deco, il faudra peut-être l'avancer un peu plus, mais en tout cas sortir Deco, c'est ce qui a pénalisé tout simplement son équipe et entrer Drogba, oui, était une pénalité pour son équipe, mais en même temps c'est important de le faire entrer, il faut qu'il reprenne le rythme. Il est monté en puissance durant les quelques minutes où il était sur le terrain, puisqu'à la fin il finit avec un face-à-face quand même. Mais oui, l'équipe est bonne et j'ai envie de dire c'est un peu comme l'Allemagne où t'as pas Balak cette année, et c'est peut-être la chance de l'Allemagne d'aller au bout parce qu'ils sont obligés de composer sans leurs joueurs essentiels, donc ça fait naître un esprit de cohésion et peut-être un challenge de plus. Est-ce que vous pensez pas que Cristiano Ronaldo a, comme le disait Vincent un petit peu avant, un peu trop de pression sur ses épaules, notamment par le fait aussi qu'il est capitaine de cette équipe? Voilà, moi j'ai été étonnée en fait d'apprendre que Cristiano Ronaldo était le capitaine de cette équipe parce que je trouve qu'il est encore un peu jeune et qu'il manque un peu de maturité, notamment lors de ses grands rendez-vous comme hier. C'est surtout que Queiroz lui a mis une pression énorme parce Queiroz a carrément déclaré en conférence de presse que pour lui c'était Superman quoi. Après, certes, Ronaldo c'est un joueur immense, mais il faut quand même pas oublier qu'il a, je crois, 23 ans. Ça fait beaucoup pour un seul joueur. Je pense que effectivement Queiroz là-dessus il prend quand même beaucoup de risques parce qu'il peut d'une part planter son équipe et d'autre part planter son joueur tout court. Donc c'est un peu étonnant quand même. Je pense que c'est un peu, c'est un Deco capitaine et un Ronaldo électron libre peut-être été plus judicieux. Ronaldo n'a pas la taille comme la Drogba pour assumer ce genre de situation. Ouais, voilà. Ça c'est souvent le caractère plus que c'est le type de joueur aussi. Ronaldo c'est un peu le Messi du Portugal et Messi on lui demande pas 36 000 choses et Messi on lui dit tu fais ton truc et puis on s'occupe du reste et il faut peut-être que le Portugal revoit ça. Après, c'est Queiroz et c'est normal qu'il attende beaucoup de Cristiano Ronaldo, mais de là à l'afficher partout, c'est à mon avis une faute professionnelle. Donc après avoir parlé pendant assez longtemps du match qui opposait les Portugais aux éléphants, on peut passer au troisième match de cette Coupe du Monde, de cette journée de Coupe du Monde, pardon, entre le Brésil et la Corée du Nord. Le Brésil qui gagne 2-1, un but du grand Mencken qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur dans cette équipe et notamment dû à sa saison magnifique à l'Inter Milan, donc qui marque un but. Et Elano, une petite révélation de ce match. Alors, cette victoire du Brésil n'a pas été très bien accueillie. Beaucoup la critiquent, disent que son entrée en matière a été très moyenne. Comment vous avez perçu cette équipe championne du monde, messieurs? Il faudra m'expliquer pourquoi on met Luis Fabiano devant. Parce que ça a été juste la déception. Celui qui n'avait pas sa place, il est trop lent, il n'est pas dans le jeu. J'ai même pas l'impression qu'il soit vraiment dans l'esprit de l'équipe. Maintenant, il y a quand même d'autres gros points noirs. Gilberto Silva qui n'a pas été du tout à la hauteur. En défense, Juan a été là, il a tenu la baraque. Maicon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne pense pas qu'il fait exprès de mettre ce but comme ça. Bon, après, je pense que si. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Maicon, oui, est présent. Mais lui, il ressort d'une saison tellement fantastique que... Avec l'Inter. Que oui, il va continuer. Ce jour-là, tu as l'impression qu'il va être cramé. Mais en fait, il a tout pour aller au bout. Il a déjà gagné, donc si tu veux, lui, c'est du bonus et t'as vraiment l'impression qu'il s'éclate sur le terrain. Ouais, mais c'est surtout ce qui est flagrant, c'est qu'il y a la classe de Robinho, qui est allé se ressourcer au Brésil, qui a fait une deuxième partie de saison au Brésil pour se remettre dans le bain et pour se préparer exclusivement pour cette Coupe du Monde. Donc ça se sent. Voilà, il est présent techniquement, puis voilà, il a du ballon. Et puis après, derrière, je pense que Dunga, il a fait le choix de prendre des patrons, de prendre Lucio, de prendre Maicon, effectivement. Alors Maicon, je pense que véritablement, il veut la mettre là, la balle. Simplement, il y a une grosse erreur, une grosse faute du gardien qui cale pas son poteau, et donc c'est pour lui. À sa décharge, quand même, t'as Maicon qui jette un coup d'œil au centre. Oui, il y a une belle fente, non, mais il fait la fin du regard, c'est sûr. Il fait la fin des yeux, ouais. Il lui a fait la fin des yeux, et je pense que... Il fait Maicon, donc bon, sans vouloir être mauvais avec le gardien nord-coréen... Les différences de niveau, malheureux. Moi, j'ai trouvé Bastos très très bon aussi, donc ça fait plaisir pour la France. Bastos a fait un super match, et je pense que lui, il va rester, à mon avis, quelques temps dans cette sélection, si ça part pas trop en cacahuète. Par contre, la grosse déception, il fallait s'y attendre, de toute façon, vu sa saison, c'est caca. Et Kaka, bah, il est complètement passé au travers, il n'est pas là du tout, et je pense qu'il ne va pas être là du tout de la compétition. Et comme en 2006, ils vont aller dans le mur, et malheureusement, voilà. Je pense qu'il n'y a pas assez d'esprit brésilien dans cette équipe. J'ai l'impression de revoir le Brésil de la fin des années 70 qui avait décidé de défendre. La différence avec 2006, là, c'est que tu as une équipe qui est complètement neuve. Je veux dire, à part Gilberto Silva qui est encore là, ou des gens comme Kaka qui devient en fait un espèce de pilier maintenant de l'équipe, c'est une nouvelle génération là on va la voir pour la première fois, mais cette équipe du Brésil, elle est assez inédite, elle est jeune, très très jeune, et je suis pas sûr qu'ils aient encore la bouteille, on dira, pour faire quelque chose. Et Dunga sélectionneur, ça n'a pas l'air de faire l'unanimité non plus. Non, mais ça, il y a très peu de sélectionneurs qui ont fait l'unanimité, surtout dans les pays sud-américains, particulièrement au Brésil. Maintenant, je pense qu'il y a quand même deux, trois éléments qui ont de la bouteille. Hein. Robinho, il me semble qu'il était là en 2006, Kaka était là en 2006. C'est partie de la branche jeune de cette équipe en 2006, et ces gars-là, on leur a dit, bon, maintenant, les gars, c'est à vous d'être les piliers, c'est à vous d'être les Ronaldo, Ronaldinho et les gars comme ça, et c'est à vous de prendre en charge cette équipe. Parce que je ne suis pas sûr que Dunga soit génial dans le sens où il prend cette équipe sur son compte. Et c'est le problème. Les jeunes s'en sont mieux sortis que les vieux hier. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, vu l'héritage en fait, que porte cette sélection du Brésil, quand même qu'un tube champion du monde, ce qui est énorme, c'est l'équipe la plus titrée dans cette compétition, et le fait qu'à chaque fois, ils soient donnés, à chaque fois on les donne dans les favoris, vous ne pensez pas qu'il y a trop de pression? Ou tout simplement, peut-être qu'il va falloir s'y résoudre, mais que cette équipe, c'est plus le même Brésil qu'avant, et que c'est peut-être pas forcément à chaque fois une des favorites, et qu'il faut qu'ils aient un peu moins de pression. Voilà, enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Vous. Ils ont perdu la culture de la gagne, ils ont perdu la culture du football festif, je trouve, ils ont perdu tout ça. Là, ils se sont stressés hier, alors que c'est le genre de match où il faut surtout pas se stresser, et où normalement, un Brésil, une équipe du Brésil, comme on les appelle normalement, elle fait ses petits gris-gris, et elle te Bah, normalement, ce genre de match, elle le gagne 4-0. Même contre ce qu'on a raconté, être la défense la plus impressionnante des qualifications, je sais pas quoi. Non, c'est la Corée du Nord, c'est tellement différent les deux équipes, il y a un trou entre les deux. C'est tellement énorme que le Brésil aurait dû s'en sortir. Et c'est là où ils vont inquiéter. Et même ils gagnent 2-1, mais je pense qu'ils se sont fait allumer dans les journaux ce matin. Parce que déjà, ils prennent un but, et ça, l'honneur brésilien, c'est ils vont pas l'accepter. Et ils ont pris ce match à la légère. Hein. Ils ont pris un super but. Ouais. Voilà le but en plus, parce que sur le but, honnêtement, toute la défense, enfin une partie de la défense centrale se prend de vitesse. Il n'y a absolument rien à redire sur son but. Il est super bien construit, il y a une fin de frappe. Enfin, honnêtement, c'est un but d'un attaquant, je ne vais pas dire d'un top team européen, mais il est loin d'être ridicule son but. C'est pas un but contre. Non, je pense que le Brésil a voulu gérer, tout simplement. Voilà. Et je pense que Dunga, son choix, c'est déjà de bien défendre et ensuite de gérer correctement les matchs. Et ça se voit ne serait-ce que dans sa gestion externe vis-à-vis de la presse, où il fait un blackout total, et il veut vraiment travailler avec ses joueurs. Et ça, je pense que c'est une base qui est bonne. Simplement derrière, ils ont voulu gérer hier en se disant que ça allait venir, et puis c'est pas venu du tout, parce qu'en face, les Nord-Coréens, eux, ont bien joué le coup. Oui, puis je pense que les Nord-Coréens ont tout de suite vu que le Brésil se montrait pas super inquiété dans les premières minutes, donc ils ont bien joué le coup. Leur Brésil leur a un peu manqué de respect en les prenant à la légère. Bien sûr, bien Bien sûr. C'est quand même une faute professionnelle de faire ça, c'est pas normal. Tu peux pas faire ça. Non, mais c'est un problème d'ego aussi. Je pense que les Pays-Bas, à mon avis, sont, voilà, un ouais, même cas. Sont un peu dans le même cas et malheureusement, ça peut leur être préjudiciable, même si je pense que là, au niveau du groupe, il y a des mecs qui ont de la bouteille. Il y a un moment ou un autre, il faut qu'ils arrêtent de se regarder jouer et puis qu'ils se concentrent sur le résultat et qu'ils aillent au bout, comme tu disais tout à l'heure, Baptiste. Enfin, la culture aussi, ils la gagnent. Et malheureusement, bon, pour le spectacle, c'est sympa. Sauf que hier, le Brésil, là, oui, ça va être difficile pour eux. Je pense que là, leur Coupe du Monde, elle est d'ores et déjà, elle est foutue. Donc, on l'aura bien compris, c'est un Brésil moyen qui doit encore faire ses preuves, comme on dit. On termine, comme d'habitude, sur les podcasts Football Ride par un petit concours de pronostics. Baptiste, ton pronostic pour cet après-midi, l'Espagne joue face à la Suisse. Alors, pour moi, la Suisse, je vais placer deux mots, mais ça a toujours été une équipe, notamment quand on voit ce que la France peut faire contre elle, une équipe assez chiante à jouer, comme la Grèce. Enfin, pour moi, c'est ce que je sens dans cette équipe. Comment tu vois ce match face aux champions d'Europe en titre? Je pense qu'ils vont tout simplement être... Enfin, j'espère qu'enfin, on va avoir un favori qu'on vraiment on attend, parce que là, l'Espagne est attendue par le monde entier et que ça va être à la hauteur. Et je pense que l'Espagne va vraiment s'en sortir sans trop de problèmes. Donc, victoire de l'Espagne, oui. De toute façon, je ne peux pas dire autre chose. Je pense que l'Espagne est arrivée à maturité. C'est leur moment. Voilà. Ils ont gagné un titre. Donc là, maintenant, ils savent ce que c'est. Et en plus, ils ont faim. Et clairement, je ne vois pas beaucoup d'équipes, à part peut-être l'Allemagne qui a fait une grosse démonstration, mais je ne vois pas beaucoup d'équipes être capables de tenir le choc face au collectif espagnol. Après, est-ce qu'ils vont vouloir gérer aussi leur premier match pour rentrer tranquillement à la compétition? Oui, peut-être, mais eux, ils sont appelés par le but, donc ils vont aller au bout, et puis je pense qu'ils vont faire un carton, donc moi je vois une victoire de l'Espagne, avec peut-être la Suisse qui tient le choc sur la première mi-temps et qui arrive à la mi-temps sans prendre de but. Il n'y aura pas l'équipe type espagnole? Non. Il y en a qui sont incertains, il y a Xavi, Iniesta qui ont le type pépin, mais non, je pense qu'ils vont gérer vraiment, parce qu'ils ont un bon en plus qui est largement à la hauteur, donc non, on s'en fout. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, à mon sens, au milieu du terrain. Le meilleur collectif, surtout. Et devant aussi, il est très très bon joueur. Donc moi, j'espère qu'on verra Fabregas aujourd'hui, parce que voilà, c'est un joueur que j'apprécie. Est-ce qu'il va partir à Barcelone? Il partira pas à Barcelone, il sera bien, je te confirme qu'il sera bien à Arsenal l'année prochaine, et en plus qu'il y aura des joueurs derrière et à côté de lui qui vont arriver. Donc non, Fabregas, c'est toute une polémique autour, mais là, aujourd'hui, lui, il s'est concentré sur sa Coupe du Monde, c'est très important pour lui. Il est fier de porter ce maillot-là, c'est un des top joueurs milieu de terrain, juste derrière Xavi, qui est monstrueux, mais il est tout à fait capable d'élever son niveau pour être au niveau d'un Xavi sans problème. Donc oui, voilà, je pense que l'Espagne va dérouler. L'Espagne est sur 12 victoires consécutives, je crois, tout comme ça. Non, puis l'Espagne, contrairement à certaines équipes, même les meilleures, même l'Argentine, j'ai envie de dire, ou le Brésil, l'Espagne a un banc pas forcément reluisant, pas forcément exceptionnel, mais des mecs qui sont capables de rentrer, d'être polyvalents et de prendre n'importe quel poste quasiment, et d'être efficace à ce poste-là. Donc rien que pour ça, voilà, c'est impressionnant collectivement. Je pronostique aussi une victoire de l'Espagne, parce que pour moi, c'est une équipe qui a su avoir un collectif énorme, alors que comme le Brésil, comme l'Angleterre, comme la France même, elle a de gros joueurs qui ont des gros égos et qui sont quasiment tous des leaders dans leur équipe. Donc voilà, je pense que c'est ça le gros point fort, la grosse qualité de l'Espagne que certaines autres équipes favorites n'ont pas. À 20h30, l'Afrique du Sud, qui avait convaincu pour son premier match, rencontre le Paraguay, qui lui avait un peu déçu lors de son match face à la France. Comment vous voyez ce match arriver, messieurs? Qui vous voyez gagner? Qui vous voyez surprendre ce soir? L'Afrique du Sud, pour moi, va confirmer ce qu'elle a montré sur le premier match, à savoir que défensivement, c'est pas trop mal. En tout cas, c'est nettement mieux que ce que c'était avant. Voilà, tout de Parera. Et puis derrière, ils vont, à mon avis... Surclassé, c'est Uruguay qui, moi, m'a déçu. Très clairement, l'Uruguay m'a déçu. Même si c'est Forlan, Suarez devant. Ça joue à 9 derrière et ça balance devant. Donc, à mon avis, l'Uruguay, ils vont sortir par la petite porte, sincèrement. Par contre, l'Afrique du Sud mérite, parce qu'elle est chez elle et qu'elle a beaucoup travaillé, mérite de faire un résultat ce soir. Je suis assez d'accord. Hein. L'Uruguay, pour moi, va perdre ce match. Puis l'Afrique du Sud a eu le déclic en fait avec cette première période contre le Mexique où ils étaient vraiment stressés et puis dominés par l'enjeu. Là c'est bon, ils ont juste pris conscience de l'événement et maintenant ils savent qu'il y a le pays derrière eux et que pour faire vraiment débuter la fête, il faut juste marquer et puis battre l'Uruguay. Là la victoire, ça pourrait vraiment faire débuter la Coupe du Monde, peut-être, parce que j'ai pas l'impression qu'elle a encore vraiment débuté. Cette... Bon, moi aussi, je prends aussi une victoire de l'Afrique du Sud, assez impressionnante face au Mexique, et je pense qu'ils vont gagner demain. Baptiste, à demain, merci encore pour ta participation à ce podcast. Ben, merci à toi, et à demain. Et Vincent, eh ben, on a beaucoup aimé cette première intervention dans notre podcast, on espère qu'un jour... t'auras l'occasion de revenir et on te souhaite bonne chance avec l'association Arsenal France que vous pouvez retrouver, on le rappelle, sur le site arsenalfrance.fr. À bientôt Vincent. Merci beaucoup Albertine, à très bientôt et bonne Coupe du Monde. Merci, au revoir. Alors merci à tous d'avoir écouté ce podcast Football Rat, le 5e déjà depuis le début de la Coupe du Monde. On vous rappelle que vous pouvez nous donner toutes vos remarques à ce sujet en laissant un commentaire sur le blog ou sur le dossier MP3, vous pouvez aussi le télécharger en MP3 via archive.org, le site sur lequel sont postés les podcasts. On espère qu'ils vous plaisent. Vous pouvez donc tous nous donner vos remarques, vos suggestions, vos idées qui pourraient nous permettre de l'améliorer. On accueille ça avec les bras ouverts. On vous dit donc à demain. Si vous êtes fidèle au poste, eh ben, ce sera demain sur Football Right pour ce qui est de la publication du podcast. On ne sait pas encore si on le fait avant ou après France-Mexique. On verra ça demain. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir à tous. Merci. Ciao.